son affection pour eux. Il ne faisait pas attention à toutes les fautes et ne leur proportionnait pas toujours les peines, mais il poursuivait avec une rigueur impitoyable le châtiment des déserteurs et des séditieux. Il fermait les yeux sur le reste. Quelquefois, après une grande bataille et une victoire, il dispensait les soldats des devoirs ordinaires et leur permettait de se livrer à tous les excès de la licence. Il avait coutume de dire que ces soldats même parfumés pouvaient se bien battre. Dans ses harangues, il ne les appelait point soldats, mais se servait du terme plus flatteur de camarades. Il aimait à les voir bien vêtus, et leur donnait des armes enrichies d'or et d'argent, autant pour la beauté du coup d'œil que pour les y attacher davantage, au jour du combat, par la crainte de les perdre. Il avait même pour eux une telle affection que lorsqu'il apprit la défaite de Titurius, il laissa croître sa barbe et ses cheveux, et il ne les coupa qu'après l'avoir vengé.